Et en évoquant donc cette question du contrat de travail, que je voulais mettre au cœur de mon propos, dans une perspective historique, et donc en évoquant l'idée qui m'est apparue en relisant Bourdieu, d'une révolution symbolique à travers le contrat de travail. Cette révolution symbolique, je voudrais la situer par rapport à une conception courante du droit du travail comme réglementation protectrice des travailleurs qui donne lieu fréquemment à une assimilation ou un rapprochement entre droit du travail et protection sociale, notamment à travers garantie de ressources, limitation de la durée du travail, et qui s'expose à travers, par exemple, le concept de démarchandisation, des commodifications qu'on trouve dans les analyses de Justa et Spin-Andersen, ou à l'inverse, dans l'analyse de la marchandisation du travail, comme marchandise fictive dans la grande transformation de Karl Polanyi. On peut aussi continuer à évoquer hein, cette société salariale qui repose sur une protection sociale, une limitation de la durée du travail, parallèle, nous dit Robert Castel, à un accroissement de la discipline fordiste avant que le monde ouvrier ne soit déboulonné, hein, en quelque sorte, par le chômage et les salariés bourgeois. Mais est-ce que cette analyse, et c'est un peu mon interrogation hein, de manière assez générale, est-ce que cette analyse ne conduit pas à mettre hors du droit, à concevoir en dehors du droit, la transaction qui fonde le droit du travail, c'est-à-dire le contrat de travail. Finalement, quand on regarde Polanyi, on arrive à l'idée d'un marché autorégulé qui laisserait en dehors du champ législatif le contrat de travail. On aurait, dans le cas de Robert Castel, une vision du contrat de travail qui émergerait dans le retrait de l'État au lendemain hein, de la réglementation du travail sur une base bien de pénalisation, de travail forcé ou de travail réglementé. Et donc, on aurait, hein, si on suit cette analyse, une vision du contrat de travail qui serait, nous dit Weber, davantage un contrat au sens économique du terme qu'un contrat au sens juridique du terme. En reprenant Bourdieu, on pourrait dire aussi que cette analyse du contrat de travail, elle naturalise en quelque sorte, elle va dans le sens de la naturalisation de l'homo economicus, qui caractérise, disons, l'orientation de la théorie économique. Et c'est par rapport à ça que je voulais parler, en envisageant eh bien, ce contrat de travail, et en me demandant si ce contrat de travail ne constituait pas une forme, une révolution dans la manière de concevoir les activités productives, en radicalisant en quelque sorte le propos de Jérôme, en se disant, mais est-ce que finalement ce contrat ne fait pas émerger le travail comme activité spécifique, et en allant également puiser dans Durkheim cette idée que tout n'est pas contractuel dans le contrat, et que le contrat est institué notamment par le Code civil, ou encore qu'on peut concevoir le contrat comme institution dans l'analyse de Douglas North, ou comme cadre de l'expérience dans l'analyse de Erwin Goffman. Et donc, la question que je me poserai, et c'est la question de savoir en quoi ce concept de contrat de travail travaille l'expérience et la configuration de l'activité productive à travers une formulation législative du contrat de travail qui serait analogue hein, à la révolution symbolique qu'introduit Manet dans le champ de l'art pictural, et donc en envisageant une réflexion qui irait de Manet à Arthur Groussier, hein, qui est un peu ce prophète du contrat de travail et qui m'a inspiré dans mon institution du travail. Alors ceci dit, moi, l'illustration, c'est plutôt Rodin, hein, à travers le symbole que Rodin voulait produire pour l'exposition universelle de 1900. Alors, je voudrais pour la suite envisager une démarche qui sera plutôt chronologique, en envisageant eh bien, un capitalisme avant le droit du travail, pour aller ensuite vers l'apport Non, ça va. Du contrat de travail comme organisation productive, et en envisageant dans un troisième moment les limites de cette révolution symbolique que constituerait le contrat de travail et dans son sillage le droit du travail. Alors le premier élément qui m'intéressait, c'est cette idée qu'il existe un capitalisme avant le droit du travail et peut-être même avant le salariat. En envisageant cette vision large du capitalisme que l'on peut puiser, par exemple, dans Max Weber. Hein, alors j'ai pris un exemple entre autres, mais on en a d'autres dans l'œuvre de Weber, hein, dans l'avant-propos « La sociologie des religions » sur l'acte économique comme capitaliste, quand il repose sur l'attente d'un profit, ou, en un sens, l'acte capitaliste se définit sur l'existence d'un capital qui donne lieu à des prestations matérielles et personnelles dont ressort à travers des chances d'échange et des chances de gain pacifique capital plus profit, qui suppose, nous dit Weber, une liberté formelle du travail, qui d'ailleurs renvoie à la condition d'échange pacifique, et qui, en un sens, conduit Max Weber à souligner la disparition de l'esclavage dans un cadre capitaliste qui est compatible avec cette pacification des échanges, et qui conduit finalement à assimiler cet acte capitaliste à un acte de commerce, c'est-à-dire un acte reposant sur l'achat pour la vente, en vue de réaliser un bénéfice. Et je me suis fondé là sur le code de commerce de 1807-1808 dans son article 652. Et je crois que ce qui est important pour comprendre ce capitalisme des origines, c'est peut-être de revenir à ce règne du commerce qui renvoie, nous dit par exemple Douglas North, à une situation où ce qui caractérise les foires ou les villes franches, c'est finalement une pacification des échanges dans une zone concédée par des seigneurs, où les commerçants font leur propre loi en ayant une force publique qui exclut la violence hors des transactions, mais avec une dimension de code de conduite qui est assez affirmée. Qui débouche dans le contexte de la constitution d'un État centralisé à une forme de rationalisation du commerce que traduirait l'ordonnance Savary de 1673, qui est un peu la base, nous disent certains juristes, du code de commerce de 1807, et qui donc s'accompagnerait de l'encouragement du commerce au service de la puissance royale pour faire affluer les métaux précieux selon une perspective que l'on a qualifiée de mercantiliste. Alors dans ce contexte-là, on a également cette création d'un corps des inspecteurs de manufacture, un corps des inspecteurs des manufactures qui, nous dit Philippe Minard dans son analyse de la gloire du colbertisme, vise à accompagner la diffusion de l'industrie au champ en ayant donc un regard sur les activités productives, principalement à domicile, que ce soit donc dans le monde paysan où cette activité productive de production de marchandises permet aussi aux campagnes de trouver des revenus d'appoint, ou que ce soit dans les villes avec les corporations entre maîtres et chefs d'atelier, avec un rapport donc entre ces corporations et des négociants, hein, qui, nous dit Max Weber, est à la base d'un développement d'un capitalisme, disons, traditionnel et commercial, où les corporations s'intègrent progressivement dans la réalisation de marchandises. On peut noter donc que dans ce contexte, 18e-iste en quelque sorte, hein, 17e, 18e siècle-iste, on aurait des activités productives encastrées dans la vie familiale et qui peuvent s'inscrire en fait dans une manière de repenser la Révolution française par rapport à une lecture classique du droit du travail de la Révolution française. Hein, et c'est là notamment pour moi un grand apport d'Alain Cottereau, hein, que de mettre en évidence cette lecture, hein, de la Révolution française par un droit du travail, notamment par Marc Sauzet, un disciple de Raoul G., un juriste catholique social, qui conduit à figer la révolution en domaine de l'histoire sociale autour de la suppression des corporations, par exemple, notamment dans le prolongement de l'encyclique Rerum Novarum. Finalement, qui conduit à donner une sorte de matrice de l'histoire sociale que l'on va retrouver dans de nombreuses lectures. Hein, je pense à celle que l'on trouve classiquement chez Michel Perrault dans son Histoire de la grève, que l'on trouve dans Robert Castel, malheureusement, je suis obligé de le répéter, qu'on trouve aussi chez Stéphane Sirot, dans son analyse de la grève, c'est-à-dire avec l'idée d'un délit de coalition, qu'on trouve aussi chez, en un certain sens, chez Alain Supiot dans Critique de droit du travail, cette idée d'une atomisation du travailleur que produirait la suppression des corporations avant que ne vienne une collectivisation du droit du travail sous l'effet de l'agglomération des travailleurs dans de grands établissements. Alors cette démarche, elle me paraît critiquable parce que elle se focalise sur les corporations, elle substantialise en quelque sorte les corporations pour mieux les détruire, et elle se focalise sur un aspect urbain et très minoritaire des activités productives dans la France de cette époque, et elle substantialise les corporations, et je renvoie pour cela à une discussion très importante qui se situe dans le sillage d'un historien qui s'appelle, je crois, Philippe Bernardi, qui a donné lieu à une chronique très intéressante d'Étienne Anheim dans les Annales sur cette relecture du travail au Moyen-Âge, qui oblige à sortir de l'existence de cadres incorporés pour aller vers une analyse du rapport Maître-Vallée, et puis qui oblige à regarder aussi ce qui se passe dans les campagnes, qui sont la majorité de l'activité productive d'une France qui est durablement rurale, puisque la Révolution française engage de manière minoritaire mais importante la propriété de la terre conférée aux paysans après que ceux-ci eurent brûlé un certain nombre de châteaux. Alors, c'est une situation où la Révolution française donc mérite d'être saisie de manière plus large à travers cette dimension donc de remise en cause du féodalisme rural, et puis aussi à travers son caractère constructif en termes institutionnels, que l'on aurait peut-être tendance à oublier en se focalisant sur la destruction des corporations, avec, je crois, c'est la réforme de 1790 sur les juridictions, c'est ça, qui donc institue les juges de paix et qui conserve ou réinstitue les tribunaux de commerce conduit à une formidable judiciarisation, nous dit Alain Cottereau dans son article de 2002 dans les Annales, de la société française, en ouvrant le droit aux conflits, aux litiges les plus petits, et notamment en entrant dans la sphère familiale, et puis en développant une jurisprudence sur le louage d'ouvrages qui va rentrer dans le Code civil de 1884, et en définissant ce louage d'ouvrages comme le contrat par lequel une personne s'engage à faire quelque chose pour une autre personne moyennant un prix convenu. Dans ce cadre-là, on a une vingtaine d'articles, donc quelque chose qui nous sort de la lecture classique que les juristes, je pense à Gérard Lioncan, par exemple, dans son article sur grandeur et renouveau du contrat de travail de 1969, part du louage de service, c'est-à-dire de l'article 1780 du Code civil, en négligeant ce corpus de 20 articles dans le Code civil que Alain Cottereau nous a bien permis de redécouvrir dans son article des Annales. Je pense aussi à Alain Supiot qui va dans le même sens, et à tous les manuels de droit du travail qui vont dans le même sens, sauf les nouveaux qui s'appuient sur les travaux d'Alain Cottereau et les miens pour aller vers une extension plus large de cette origine des formalisations du travail. Donc une situation dans laquelle ce louage d'ouvrage conduit à saisir l'ouvrier, nous dit l'article 1789, comme entrepreneur en la partie qu'il traite lorsqu'il est rémunéré à la pièce, c'est-à-dire de manière très régulière, et qui se retrouve dans l'architecture des conseils de prud'hommes, puisque on a des conseils de prud'hommes qui élisent des magistrats pris dans les négociants et les chefs d'atelier, en traitant, nous dit Cottereau, de nombreux litiges entre des chefs d'atelier et leurs compagnons ou leurs apprentis. Donc une situation qui confère au conseil de prud'homme une forme assez exotique, hein, si on se réfère à la livraison du mouvement social de 1987 sur le sujet, aux travaux aussi de Norbert Holzach, hein, sur les reconfigurations des conseils de prud'homme. Dans ce contexte-là, le louage d'ouvrages, et je trouve que c'est très intéressant, hein, dans la lecture de Cottereau, correspond à une revendication ouvrière portée notamment à Paris et conduit à un développement qui, malgré tout, va donner lieu à des critiques, et notamment à la critique de l'exploitation de l'ouvrier par l'ouvrier, que porterait en elle cette rémunération à la pièce, et qui, selon Marx, et je crois que pour moi c'est un passage très important du Capital qui mérite d'être revu, qui, selon Marx, conduit à un règne des intermédiaires, de manière très large, hein, non seulement dans le travail à domicile, mais aussi dans la manufacture, dans les mines, avec un ouvrier principal qui se charge de lui-même de recruter des ouvriers. Alors bon, on peut évoquer aussi Thiers, qui à l'inverse trouve que le marchandage est formidable pour une promotion d'un entrepreneur sans capital, et qui suggère d'imaginer que le 19e est fondamentalement une économie de la commande dans laquelle le commerçant, avec son droit spécial, se distingue du peuple avec le droit que constitue le Code civil, droit commun à tous les Français. Alors, cette situation m'a conduit à voir dans le droit du travail, eh bien, une dimension d'organisation productive qui suppose, eh bien, en premier lieu, de saisir le droit du travail comme un code du travail, dans une dynamique de fin du 19e, début du 20e, qui, à certains égards, oblige à sortir de la rationalisation formelle qui caractérisait, selon Max Weber, le droit révolutionnaire, c'est-à-dire cette croyance d'un droit reposant sur des catégories fondamentales pour aller ensuite vers un déploiement, cette croyance en une unicité du droit, en quelque sorte, et pour saisir une dynamique de code qui émerge les uns avec les autres et qui motive Groussier, père du premier projet fondamental du premier projet substantiel de code du travail en 1898, qui le motive dans la proposition d'un code du travail. Alors dans ce contexte-là, eh bien, le contrat de travail va faire l'objet d'un projet explicite, un projet explicite posé par une société de juristes, hein, c'est-à-dire d'agrégés de droit de France et de Navarre, et qui aboutit dans son article premier à une définition du contrat de travail par lequel une personne s'engage à travailler pour une autre. Et j'accélère un peu parce que sinon je vais être en retard. Alors, le contrat de travail, ici, se définit comme une activité manuelle et intellectuelle. Et ce qu'on en a oublié en analysant le code du travail comme une compilation de règlements protectrices, c'est que pour compiler, il faut avoir malgré tout un concept de travail qui permettent de compiler, et c'est ainsi que Groussier propose comme concept de travail toute occupation manuelle et intellectuelle par laquelle une personne concourt à la production, l'extraction, le façonnage, c'est-à-dire une vision extrêmement large du travail qui caractériserait peut-être le travail, et qui fonde ce contrat de travail, hein, en assimilant à une même condition travailleur manuel et travailleur intellectuel, en posant sur cette base le problème d'une identification de collectivité de travail à représenter qui sortent du marchandage, du louage d'ouvrage, qui sortent de la sous-entreprise ouvrière, qu'elle soit coopérative ou patriarcale, pour aller vers l'interrogation que constitue cette collectivité des travailleurs liés à un même employeur, regroupés ou rattachés à un même établissement, et qui conduit, par exemple, Millerand, sur la base des propositions du groupe socialiste à la Chambre, à évoquer, eh bien, des projets de conseil du travail. Parallèlement à cela, je crois, il faut intégrer aussi une reconfiguration du mouvement syndical en sortant d'un travail, en sortant des métiers pour aller vers une confédération générale du travail, et en sortant de fédérations de métiers pour aller vers des fédérations d'industrie qui sous-tendent l'ambition de syndiquer des établissements, c'est-à-dire un ensemble de travailleurs liés à un même employeur, plutôt que des ouvriers partageant un même savoir-faire acquis sur le tas. Alors, cette élaboration du droit du travail et du contrat de travail s'accompagne d'une diffusion du contrat de travail que l'on peut suivre dans le temps à travers l'organisation d'une économie de guerre qui inclut en elle-même une forme de classification et puis à travers un développement de la législation autour de la journée de 8 heures qui oblige à recalculer les rémunérations au marchandage pour maintenir la rémunération en réduisant le temps, donc qui rencontre les préoccupations largement éclairées par Jérôme dans les années plus récentes, qui rencontre également l'extension de la loi sur les accidents du travail, pose le problème par exemple de savoir si les bûcherons qui vont travailler sur un chantier de coupe de bois pour un marchand de bois sont ou pas des travailleurs couverts par la loi sur les accidents du travail, ce qui débouche sur une réponse positive par un juriste qui s'appelle René Savatier dans une note de jurisprudence, en invoquant l'idée d'un contrat de travail fondé sur la dépendance économique, et puis des assurances sociales qui, en 1928, définissent une cotisation sociale dont des arrêts de la Cour de cassation tentent de définir les conditions d'application et d'assujettissement en excluant, par exemple, un gérant de succursale alimentaire sur la base d'une absence de subordination juridique, ce qui change le critère d'identification, mais que le législateur va finalement écarter en ne retenant que le critère d'une dépendance économique que l'on retrouve dans le Code de la Sécurité sociale. Alors, est-ce que cette démarche ne conduit pas, et c'est un peu, selon moi, ce qui en ressort, à une forme d'organisation du travail à l'échelle d'un établissement dans lequel le directeur de l'établissement peut être considéré comme un employeur et où finalement le mouvement de l'entre-deux-guerres, c'est un mouvement de découverte de l'établissement qu'on voit bien dans l'analyse de Simone Veil. Moi, je retiens de Simone Veil davantage la joie que la souffrance, c'est mon côté moins dépressif que d'autres, et où 36 et l'occupation d'établissement est une manière de découverte de l'établissement autour de conventions de branche, c'est-à-dire de conventions qui vont régler les conditions du travail dans des établissements, la branche étant une somme d'établissements partageant les mêmes conditions techniques de production, autour d'une classification salariale entre ouvriers, employés, techniciens, gens de maîtrise, qui définissent une forme d'organisation dans l'établissement, et en suggérant qu'on se trouve ici dans une économie de la production où l'élaboration de produits, depuis l'ingénieur de laboratoire jusqu'à l'industrialisation organisée par un même employeur, permet ensuite d'approvisionner une offre de produits à un public dans le cadre d'une consommation. Voilà. Alors, on a là, me semble-t-il, une révolution symbolique qui change la portée de l'activité économique de production et qui, dans le contexte de la libération avec le CNR, s'accompagne de nationalisation, s'accompagne d'une extension du salariat, mais qui malgré tout n'abolit pas le droit des affaires et le code de commerce, qui demeure un droit particulier dans un monde où on aurait tendance à croire dans le droit commun à la manière de Mireille Delmas-Marty. Tout le monde ne partage pas la religion de Madame Marty, notamment les commerçants, qui est un droit réservé aux commerçants. Une situation où le salariat devient un fait social tout en se heurtant à une libéralisation des marchés financiers et à une forme de financiarisation qu'incarne le code monétaire et financier pour lequel j'ai parlé d'un beau bébé. Je voulais vous montrer les 10 000 pages qu'il a pris en 10 ans, mais je n'ai pas trouvé la photo. Alors je voulais suggérer que le salariat est un fait social, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et cela mérite d'être rappelé par rapport aux prophéties de malheur des années 90, à laquelle participe malheureusement notre ami Robert, c'est-à-dire le fait que l'emploi stable n'a pas disparu. Nous sommes dans une situation où l'emploi stable, c'est-à-dire le CDI avec une ancienneté croissante dans l'entreprise, demeure une réalité productive profondément ancrée et qui, notamment, lorsqu'on fait cette photographie de la population active que j'ai lancée et que j'essaie d'actualiser chaque année maintenant, où on voit que les plus jeunes se trouvent plutôt en contrat à durée limitée proportionnellement et en chômage, et puis avec progressivement, à mesure qu'on avance en âge, une place du CDI et puis une ancienneté dans l'entreprise qui croît jusque vers l'âge de 60 ans hein, où cet emploi durable décroît avec une montée à l'inverse de l'emploi indépendant. Donc on a une dynamique importante du salariat comme fait social, mais qui accompagne un nouvel élan, un élan des restructurations lancé dans les années 1960 par le fameux rapport Armand-Rueff, appelé à la postérité que lui donnera M. Attali avec la plume de M. Macron, vise à la constitution de champions nationaux hein, en regroupant des entreprises établissements sur le territoire national dans de grands champions, et qui conduit à la création de l'UNEDIC, des pré-retraites et un développement des restructurations qui accompagne dans le même temps eh bien, une expérience nouvelle de conflits sur l'emploi dont témoigne l'entreprise LIP hein, avec disons son réseau de presbytères pour vendre les montres, mais alors j'ai mis LIP mais parce que j'étais pressé, et dont témoigne également l'entreprise RATO hein, qui s'est lancée dans une reconversion des alternateurs vers le nucléaire et qui vaut à l'entreprise RATO d'être toujours présente sous l'étiquette Alstom. Alors je ne sais pas aujourd'hui si c'est pas General Electric hein, à Gennevilliers. Voilà. Donc une action forte sur l'emploi hein, dans lequel, par exemple, chez LIP, on a une négociation, une vente de montres qui permet de résister avec l'engagement du courant rocardien, Claude Neuschwender, etc., pour reprendre en charge l'entreprise. Côté RATO, une négociation entre le ministre je crois que c'est le ministre du Travail, et Henri Krasucki, au niveau le plus haut élevé de la CGT, pour reconvertir l'entreprise vers une dimension nucléaire et maintenir l'emploi dans le site de Gennevilliers. Donc une situation où les restructurations sont en quelque sorte apprivoisées, mais suspendues par l'autorisation administrative de licenciement de 75, qui sera un levier hein, pour le gouvernement Fabius à partir de 84 pour initier des restructurations massives dans les entreprises nationalisées. Et je me souviens, disons, de ces fonctionnaires de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle qui m'évoquaient au début des années 90, ça prouve que j'ai déjà un certain âge, l'élaboration de dispositifs permettant de supprimer des emplois de manière plus intense. Alors, on arrive là à des restructurations d'un nouveau genre, des restructurations qui s'intègrent dans des best practices de corporate gouvernance dans lesquels finalement, la suppression d'emplois est une dynamique forte de diminution des coûts, hein, comme le montre d'ailleurs un article, enfin et puis un ouvrage très intéressant de Valérie Boussard, des cabinets, des experts qui sont là pour tuer les coûts en quelque sorte, hein, et puis parallèlement une résistance des salariés qui à certains égards renforce le cours de l'action en bourse, hein, comme en témoigne ce qui s'est passé pour Renault en 97, ou en témoigne la belle plus-value que Mme Pénicaud a fait à l'occasion des restructurations de l'U en 2002, hein, je crois. Une situation dans laquelle, finalement, on a une dynamique de restructuration et de remise en cause de l'emploi qui se retrouve dans la crise de 2008 avec une explosion des plans de sauvegarde de l'emploi et puis des réformes qui doivent beaucoup au traité de stabilité budgétaire de 2012 et aux recommandations de la Commission européenne qui expliquent un peu ce qu'on retrouve à l'échelle européenne. Alors cela conduit à identifier peut-être de nouvelles formes d'expression dans les conflictualités du travail. Je crois que l'expression actuelle que l'on voit sur les ronds-points, elle traduit peut-être la difficulté que constitue l'occupation d'usine, parce que précisément l'entreprise, est-ce que c'est un établissement ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est peut-être sur les routes que se joue l'avenir des luttes pour le travail? Et puis je crois aussi c'est un appel à sortir d'une forme de positivisme juridique qui conduit à saisir le droit comme étant le droit, en partant de déclarations de droits fondamentaux pour aller vers des droits plus appliqués et peut-être en envisageant ce qui m'est apparu à la lecture de Weber comme un droit moderne qui serait plutôt un droit se caractérisant par le choc de d'îlots, en quelque sorte, de rationalité entre, par exemple, un code du travail et puis un code de commerce et un code monétaire et financier, hein, qui sont aujourd'hui des éléments très forts, hein, qui permettraient de sortir d'un romantisme des droits de l'homme, que le droit du travail serait censé préserver au sein de l'entreprise, les lois au roux, la citoyenneté dans l'entreprise, pour saisir le code du travail dans ses rapports conflictuels et tendus par rapport à d'autres codes, et notamment au code de commerce et au code monétaire et financier. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je crois que j'ai été presque un petit peu dans les temps. Oui, merci beaucoup Claude. Du coup, tu as parlé très vite et c'était très dense aussi. Je suis désolé, oui. Mais pour son livre, hein, en même temps, donc c'est plutôt une performance, on a peine plus de 25 minutes. Mais l'idée, c'est qu'on a vraiment beaucoup de temps de discussion de prévu. On verra s'il n'y a pas assez de questions sur Claude spécifiquement. On remettra un temps de discussion commun après les deux interventions. Mais vous avez vraiment le temps, et compris s'il y a des choses qui vous intéressaient et sur lesquelles il a dû passer vite, pour simplement demander d'y revenir ou pour commenter, approfondir tel ou tel point. Je suis sûre que Jérôme et Laurent ont encore des choses à dire, mais les autres ont le droit aussi. Et c'est Laurent, il prend ma place là-bas, non? Après, oui, mais tu as droit à des questions. Ah bon? Ouais. Ah d'accord. Non, j'ai cru qu'on répondait ensemble. Oui, on n'a pas dit à l'avance, mais je pense que c'est bien d'avoir un peu de temps. Comme chaque exposé est très riche, je pense que c'est bien d'avoir un peu de temps pour chaque exposé, et quitte à faire aussi un temps commun à la fin. Ta critique du droit du travail, d'abord conçu comme un droit protecteur visant à contrebalancer la subordination, que tu critiques en disant c'est aussi un droit économique qui organise le travail, etc., si j'ai bien compris, est-ce que du coup les évolutions récentes sont pas si révolutionnaires, en fait, disons, puisque elles sont souvent présentées comme révolutionnaires dans le sens où elles inversent la hiérarchie des normes, elles font reculer la dimension protectrice, etc. Est-ce que du coup on renoue avec un droit du travail plus comme contrat économique? Enfin voilà, je ne sais pas si ma question est claire, mais... Oui, non, mais je pense que la subordination en tant que telle, c'est une naturalisation économique d'une autorité. C'est du Williamson. Hein, c'est-à-dire qu'on suppose qu'il existe une subordination dans l'absolu indépendamment de tout. Et de ce point de vue-là, où se trouve le droit? Or, il y a du droit. Et ce droit, souvent, c'est le louage d'ouvrages où des ouvriers engagent d'autres ouvriers, y compris dans des usines. Donc ça, on le perd de vue. Marx, lui, le retrouve bien dans le chapitre 19 du Capital sur le salaire à la pièce. Donc je crois que là, c'est le premier point. Et après, donc, le contrat de travail conduit à imaginer une réorganisation économique autour d'une activité individuelle destiné à un employeur dans une collectivité de travail. La loi Brachard de 1935, par exemple, qui va considérer les journalistes comme salariés parce qu'ils ont une activité indépendante de l'autorité de l'employeur, et là, ça permet de contrebalancer la subordination, mais qui s'exercent dans un comité de rédaction, une collectivité, hein, et dont ils tirent leurs revenus, dépendance économique. Donc on a là des dynamiques de cet ordre-là. Alors aujourd'hui, en quoi est-ce que ces lois remettent en cause la situation? Je m'arrête avant les lois. Ce que je dis avant les lois, c'est que la justification apportée, notamment par El Khomri et Pénicaud, et puis soutenue par les économistes de type... comment s'appelle-t-il qu'a eu Kramarz sur « Au nom des plus fragiles ». Bien, je dirais, les plus fragiles, qu'a eu Kramarz l'ont bien montré, ce sont plutôt des jeunes. Et les jeunes deviennent vieux, et en devenant vieux, ils accèdent à un CDI en ayant une ancienneté croissante, un emploi durable. Hein. Et ce qui se passe, c'est que finalement, ces réformes, si on renverse cette argumentation au nom des plus fragiles et qu'on voit que c'est plutôt une trajectoire d'ensemble qui se dessine, eh bien ces réformes, elles touchent tout le monde, hein, elles touchent la masse des gens. Je crois que ça, c'est important à mettre au jour. C'est un peu dans ce sens-là que j'irai. C'est-à-dire qu'elle touche, en fait, le poids du cadre que constitue le droit du travail dans la vie au travail, hein, dans le travail. Après, dans le sens, je pense, d'une organisation du travail, je crois qu'il y a des effets productifs. Par exemple, le fait qu'on ne réussisse plus en France à faire des cuves pour les super réacteurs nucléaires, comme à Flamanville. Bon, bah, y a quand même un lien avec le droit du travail, puisque cette usine du Creusot qui fabrique, elle est en constante restructuration. Il y a un perte de savoir-faire qui est lié à cette dynamique de financiarisation initiale. Et puis, y a aussi une perte de... dans un état de droit, hein, une perte d'accès au droit qui se fait et qui touche la plupart des salariés, hein, avec des licenciements plus faciles pour les salariés anciens, avec des possibilités de constituer les causes économiques de manière plus simple, avec des possibilités de détacher les salariés, par exemple, des grandes entreprises vers des petites sous-structures, hein, dans les ordonnances. Enfin bon, alors après, l'ordonnancement des rapports selon l'ordre public social, moi, je suis plus sensible à la fragilisation du contrat de travail que à cet ordonnancement des cadres. Hein, je pense que dans l'ordonnancement des cadres, il y a des catégories, des classifications qui sont aujourd'hui en négociation, par exemple dans la métallurgie, autour de savoir ce que c'est qu'un ouvrier, qu'un employé, qu'un ingénieur. Et ça, ce sont des choses que les réformes récentes ne remettent pas en cause. Hein, on a besoin d'avoir ces catégories générales pour définir les grilles salariales dans les entreprises. Donc après, il faut voir concrètement ce que ça veut dire. Par ailleurs, mon observation d'activité syndicale dans les entreprises m'a conduit à avoir des salariés qui n'avaient aucune idée, en étant dans la métallurgie par exemple, parisienne, aucune idée de l'existence d'une convention de branche. Donc je me demande si finalement cette bataille au nom de l'inversion des normes du travail n'est pas une bataille d'intellectuels qui était en un sens très difficile à faire partager au niveau social le plus large. Mais après, je ne dis pas qu'il y a un vrai danger à inverser les normes. Hein. Je crois juste que la question de Jérôme, c'était le fait que tu, dans ton travail, effectivement, c'est vraiment... C'est ça aussi qui change un peu les choses. Tu désingularises en réalité le code du travail et l'analyse du travail, puisque tu le réinsères dans l'ensemble des manières de penser, de réguler, on va dire, et de cadrer le monde économique. Et donc, en fait, c'était de dire, par rapport à la période actuelle, et par exemple, où on voit que y a les nouvelles normes, qui ne sont pas simplement du code du travail, vont transformer le travail. Et donc, en fait, je crois que c'était un peu ça l'idée. La question, c'était, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, il y a encore une action étatique, juridique, sur de protection des travailleurs, ou est-ce que, finalement, c'est le reste des cadres juridiques, finalement, organisent le travail. Je ne sais pas si c'est clair. Si, parce que enfin, dans les cadres juridiques, il faut effectivement faire intervenir le droit managérial, on pourrait dire, hein, le code de commerce. Enfin, dans l'idée de managérialisation du droit, je crois que fondamentalement, le droit est managérial. C'est-à-dire que l'origine de notre droit, c'est peut-être moins un droit révolutionnaire et le code civil que le code de commerce et le code des commerçants. Et si on part de là, on a une vision un peu autre du droit et on ne peut que s'étonner d'avoir un droit non managérial. Et en un sens, le Code du travail représente une percée non managériale dans un droit fondamentalement managérial. Mais bon, je rejoindrai un peu l'analyse de Noiriel dans l'idée d'une histoire populaire de la France, où finalement l'action populaire, c'est-à-dire d'une masse de gens assez hétérogènes, elle arrive à des résultats de manière ponctuelle par rapport à disons, une force, une puissance des classes dominantes et des négociants qui s'affirment aussi à travers le droit. Alors c'est une chose d'ailleurs qui implique de regarder le monde des juristes, et y compris le monde des juristes dans le droit du travail. Parce que comme tu le montres très bien, Laurent, mais je déflore ton sujet, alors je ne vais pas trop, mais les professeurs de droit du travail aujourd'hui sont quand même très proches des cabinets d'avocats d'affaires, des cabinets d'avocats patronaux. Hein, je veux dire, tu le montres bien pour Paris 1. Moi, ce qui m'a surpris, hein, je pensais que c'était que les Martinon, Tessier et compagnie, mais non, c'est aussi, je veux dire, les Loiseau, etc., à Paris 1, hein, qui sont très liés à des cabinets patronaux. Donc, on a là une managérialisation du droit qui traverse le droit, mais qui se retrouve aussi à travers l'activité de l'ancien président de la Chambre sociale que je vous ai mentionné à l'ISST, hein, Monsieur Froin, qui a eu une jurisprudence particulièrement proche des revendications du MEDEF, hein, et qui a été suivi en cela par une adresse des juristes, et moi qui m'a beaucoup surpris, hein, des juristes à un niveau très large, dans lequel on compte Antoine Nyoncan, Antoine Jameau, hein, pour soutenir la jurisprudence Froin, en disant la Cour de cassation ne peut pas errer. Enfin, un truc de fou. Donc on a une managérialisation, mais est-ce qu'elle doit surprendre véritablement? Je pense que cette managérialisation, c'est quelque chose qui revient spontanément dès qu'on lâche la bride. Juste un point terminologique, du coup, là tu dis managérial dans le sens de marchand. Parce oui, que, tout à fait. Ouais, en tant que dynamiste, ça me... Enfin, le code de commerce, il ignore l'existence de manager, justement, parce que tout le monde est marchand, y compris les... Tu as raison. Alors, les ouvriers marchands, d'après les commercialistes, c'est pas du tout évident. C'est précisément pour cela que le code civil est là, parce que ils sont trop subordonnés pour, disent-ils, hein, ils sont trop pauvres pour participer à une vraie activité commerciale. Oui, non, les ouvriers ne bénéficient pas des tribunaux de commerce, mais ce que je veux dire par là, c'est que la figure du manager, c'est-à-dire quelqu'un qui est un salarié mais qui donne des ordres à d'autres, elle est justement assez absente dans la réalité du travail au 19e et complètement absente dans le droit. Tu as tout à fait raison. Donc c'est pour ça que je comprenais mal, mais du coup, si on remplace managérialisation par marchandisation, dans ce que tu dis, je pense qu'on peut être assez... Alors, après, il y a eu une réflexion sur les marchés que j'ai menée récemment à l'invitation de mon ami Olivier Favreau, sur les marchés qui cadrent et les droits qui cadrent, disons, l'activité économique avec le droit du travail. Je pense qu'il y a peut-être une hégémonie des marchés de marchandises au 19e siècle dans le prolongement du mercantilisme du 18e et du 17e. Aujourd'hui, peut-être que le marché fondamental, c'est le marché financier, quoi. Oui. Vous avez évoqué le fait que vous avez rencontré des salariés de la métallurgie qui n'avaient même pas connaissance de l'existence d'une convention de branche. Pour rebondir là-dessus et aller plus loin, moi je suis inspecteur du travail. On rencontre de plus en plus de travailleurs et travailleuses qui ne savent même pas pour qui ils travaillent, en fait. Qui ne savent même pas quel est leur employeur, parce qu'il y a des montages vraiment. Mais absolument. Et qui ne savent pas nous dire quel est leur employeur, ils sont intérimaires, mis à disposition de l'un, puis remis à disposition et tout. Alors c'est beaucoup sur les chantiers du BTP, mais pas seulement, y compris dans le service. Dans les hôtels, par exemple. Oui, voilà, dans les, tout ce qui est relevé de compteur de gaz et d'électricité, tout comme ça, c'est beaucoup sous-traité. Oui, tout à fait, on ne comprend plus rien d'ailleurs. Les gens ne savent pas du tout pour qui ils travaillent. Et ma question, c'est, d'une part, est-ce que pour vous, c'est un symptôme, justement, un peu d'une régression au droit commercial ou au droit civil, ou de quoi un petit peu c'est le symptôme? Et dans un deuxième volet, qu'est-ce qui peut être fait au niveau du droit pour contrer un peu cette tendance? Notamment, par exemple, quel est un peu, selon vous, l'impact d'une décision telle que celle qui a été prise récemment là, de justice sur la requalification de livreur à vélo en salariat, etc. Que j'ai pas vu cette décision, mais dont on a un petit peu parlé il y a 15 jours, quelque chose comme ça. Oui, tout à fait. Donc... Je crois qu'on a effectivement, là, dans ce que vous décrivez, un symptôme des limites du droit du travail. Et je pense que cette limite, elle tient à ce que le droit du travail a réussi à organiser le travail en partie au niveau de l'établissement. Et donc, quand on parle de branche, on parle d'établissement et on ne parle pas d'entreprise. Et le vocabulaire aujourd'hui d'entreprise... est un vocabulaire très ambigu à ce niveau-là, parce que quand on parle d'accord d'entreprise, quand on parle on confond établissement et entreprise. Or, une entreprise, c'est fréquemment, de plus aujourd'hui, compte tenu aussi des restructurations des années 60 à aujourd'hui, c'est plusieurs établissements. Donc, et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a une difficulté du monde du travail, des représentants des travailleurs, à passer de l'établissement à l'entreprise. Ça se voit, par exemple, dans les restructurations. Souvent, dans un comité central d'entreprise, les élus de comité d'établissement, puisque l'établissement est la base de l'élection depuis les lois Auroux, représentent leur établissement et ont beaucoup de mal à céder à la tentation de défendre leur établissement, c'est un peu comme à Saclay, à défendre leur établissement, dans les communes, hein, à PSL aussi, ne t'inquiète pas, donc à défendre leur établissement contre l'établissement des autres, hein, en disant « sauf qu'il peut l'emploi dans mon établissement ». Donc on a une situation complexe à ce niveau-là, où le droit du travail empêche, je dirais, les travailleurs de se projeter au-delà de l'établissement. Et c'est conforté par la loi de 2008 sur la représentativité syndicale, qui suppose une évaluation de la représentativité par les élections au comité d'établissement. Ce qui fait que les gens se battent au niveau de l'établissement pour mobiliser les travailleurs de l'établissement, en se foutant de ce qui se passe dans les autres établissements. Et ça donne des résultats parfois difficiles. Les coordinations syndicales dans les grandes entreprises comme Renault, Peugeot, PSA ou autres, c'est quand même la galère pour coordonner les gens. En plus, bon, se greffe là-dessus le fait qu'il y en a qui sont au PC, d'autres à la Ligue, à l'ONPA, d'autres à Lutte ouvrière, d'autres qui sont syndicats patronaux. Hein, je veux dire, à Aulnay, le syndicat majoritaire, c'était le syndicat des indépendants de l'automobile, hein, donc c'est quand même... Et donc on a des situations comme ça assez, assez complexes. Voilà, donc je pense qu'il y a une difficulté du droit du travail à appréhender un épanouissement de l'entreprise comme réseau d'établissements. Il y a peut-être des moyens d'arriver à cela. Je crois que c'est des moyens un peu juridiques, un peu compliqués, qui peuvent être... C'est une piste hein, que j'évoque dans ma sécurité sociale industrielle à la fin du bouquin, eh bien de développer l'unité économique et sociale, hein, d'engager vraiment une réflexion là-dessus pour arriver à une unité économique sociale qui rétablisse une certaine cohérence. On a aussi des conflits qui vont dans ce sens-là. Par exemple, un conflit récent à Clichy-sous-Bois. Non, c'est Clichy, près de Paris, c'est Clichy-la-Garenne. Dans un Holiday Inn où les personnels de service se sont fait reconnaître comme appartenant à la communauté de travail et vont en septembre 2019 tenter de se faire reconnaître comme salariés de l'hôtel. Hein, non, c'était le groupe Accor, je crois, je me trompe. Donc il y a là des actions qui sont intéressantes, menées là par la CNT et la CGT de manière assez intéressante. Donc on a des conflits sociaux à ce niveau-là qui peuvent être intéressants pour essayer de retrouver cette collectivité de travail. Et vous avez raison de mentionner la requalification ce livreur par les magistrats de la Tour Bombec, hein, comme dirait l'autre, hein, et qui a été porté là par une grande avocate, Manuela Grévy, et par la procureure, la représentante du parquet qui a un rôle d'éclairage des décisions au sein de la Cour de cassation, donc avec une force juridique assez intéressante, qui tient peut-être à ce que M. Frouin n'est plus là aussi, mais bon. Qui va avoir une portée, je pense, hein, cette décision dans l'avenir, notamment bon, pour rétablir un droit protecteur, parce qu'un livreur qui est blessé, il n'est pas payé pendant qu'il est blessé, pendant son arrêt. Voilà, donc... Je pense qu'il y a une faiblesse du droit du travail par rapport aussi à une force du droit des affaires. Une dernière question ? Ouais, Dominique. Oui. Je vais revenir sur ce que vous développez à travers le poids qui reste très massif du CDI. Il me semble que ça ne suffit pas tout à fait à faire le point sur la déstabilisation et que du coup, les droits ne suffisent peut-être pas à l'établir. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Premièrement, il me semble que toute une partie des CDI sont devenus plus fragiles, moins durables à travers l'évolution du droit en matière de licenciement, l'invention de la rupture conventionnelle, plus le recours croissant aux sous-traitants qu'a évoqué dans un certain nombre de secteurs, et où le fait d'être en CDI dans une petite ou moyenne entreprise et sous-traitante, a des effets de fragilisation sur la durée du contrat. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il me semble que la phase d'instabilité en début de vie active que tu évoquais, elle a deux conséquences importantes, me semble-t-il. La première, c'est qu'une partie des jeunes, notamment évidemment les moins diplômés, peinent à se stabiliser et peuvent se retrouver dans ce qu'on pourrait appeler des trappes à précarité, et là qui durent plus longtemps. Et deuxièmement, il me semble que la socialisation dans la précarité a un impact sur la sensation ou sentiment que précisément la vie dans l'emploi va devenir plus précaire, plus fragile, et que ça a un impact sur les comportements, y compris des salariés, que ce soit en termes de combativité, de syndicalisation. Et donc, du coup, je pense qu'il y a quand même un phénomène de déstabilisation. Alors, c'est peut-être comme dans la météo, il y a la température réelle et la température ressentie, que là aussi, il y a les deux aspects peut-être à prendre en considération. Et que donc, je ne suis pas convaincu sur ce qu'on puisse simplement dire, on reste en gros à 15,85, pour aller vite, hein, entre l'emploi non durable et le CDI, pour pouvoir en déduire qu'au fond, il n'y a pas vraiment de déstabilisation. En revanche, ce qui est vrai, c'est que toutes les études que je connais, en tout cas, montrent que la durée moyenne des contrats, si on prend sur l'ensemble de la population active, n'a pas été réduite. Mais on a en moyenne une population active plus âgée. Donc ceci compense peut-être en partie cela et en effet un biais statistique. Voilà. Oui, non mais je partage entièrement ce que tu dis, Dominique. C'est-à-dire que le constat que l'emploi dure, hein, en fait, ne conduit peut-être pas au constat d'un emploi fondamentalement durable. Donc, après, le fait qu'on ait qu'un des emplois qui dure ne doit pas nous écarter de penser une forme de déstabilisation. Alors, mais je crois qu'il faut peut-être la penser sous différents aspects, quoi. Alors, Pogam avait un peu fait ça dans le salariat de la précarité. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on peut avoir des pressions liées à une forte dépendance économique sur les plus jeunes à travers des contrats précaires à durée limitée, en les détournant, en les impliquant dans une forme de docilité pour les détourner d'un engagement syndical. Ceci dit, ça peut aussi être aussi un élément que les syndicalistes invoquent pour ne pas syndiquer les précaires. C'est-à-dire, je l'ai vu, des syndicalistes eux-mêmes rentrer comme intérimaires dans l'automobile et qui invoquent que les intérimaires tournent pour ne pas les syndiquer en oubliant qu'eux-mêmes, ils étaient intérimaires au début. Et donc c'est une manière aussi de se dédouaner de la faiblesse du syndicalisme. Et puis par ailleurs, on a un coût et disons une crainte de perdre son emploi qui croît avec l'âge. Enfin c'est vrai que perdre son emploi à 30 ans c'est déjà difficile, perdre son emploi à 45 ça devient sévère, et le perdre à 55-60 ans c'est terrible. Donc ça, c'est des éléments qu'il faut intégrer, je crois. Donc c'est plutôt une analyse de la, comment on pourrait dire, de l'instabilité ou du rapport à l'avenir qui est à mener. Hein. Mais il faut partir de dimensions qui sont statistiquement établies. Et puis ça ouvre aussi des possibilités, c'est-à-dire le fait que des gens aient un emploi qui dure, ça suppose que des gens coexistent ensemble dans un même espace. Et donc, c'est aussi un élément à prendre en compte. Qu'est-ce que ça veut dire de coexister ensemble dans un même espace ? Je veux dire, des intérimaires qui travaillent durablement avec des gens en CDI dans des établissements, il se passe des choses, il y a des liens durables qui se nouent. Est-ce que ça va dans un sens de syndicalisation, de mobilisation, de coordination, de week-end de loisirs ensemble, de participation à des actions sur les routes avec des gilets d'une certaine couleur, enfin voilà, des trucs comme ça. Hein, j'entendais ce matin les gars de Blanquefort, là, de Fort de Blanquefort, qui évoquaient le lien avec les gilets jaunes. Donc c'est vrai qu'ils pourraient y aller en Ford pour occuper la place. Mais en 4x4, alors. Merci Claude, je pense que ça conclut bien ce premier échange. On se place. J'ai juste une publicité à faire, je l'ai oublié. Et donc je voulais signaler que, mais on l'indiquera peut-être, je contribue à l'organisation d'une journée en hommage à une historienne du droit franco-allemande qui s'appelle Sabine Rudischhauser, qui aura lieu le 17 janvier 2019. Et ce sera une occasion de tenter une comparaison et une histoire croisée de la France et de l'Allemagne pour sortir de l'impérialisme américain que certains nous diffusent constamment, bien que de manière judicieuse.